Je vais aborder une forte descente signalée par un panneau de danger. Elle est de 10%, soit 10 mètres tous les 100 mètres. Mais elle se situe à environ 150 mètres, puisque les panneaux de danger sont implantés à cette distance en rase campagne. Je n'ai donc pas à freiner maintenant. Je ne passe pas au point mort, ce qui équivaut à descendre en roue libre, mais je rétrograde pour bénéficier du frein moteur. Réponse B et D.